Ndikomanyanga. Rukuimana sur la maison Nonde, merci de rester fidèle à Radio Sanganiro. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les grands titres. 25 ONG étrangères se sont déjà fait réenregistrer au ministère de l'Intérieur du 1er octobre jusqu'à aujourd'hui, après la mesure de suspension des activités de ces ONG par le Conseil national de sécurité. Annonce faite aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur, c'était au cours d'un point de presse. Dans le but d'empêcher ceux qui se cachent derrière la médecine traditionnelle pour escroquer la population, le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida demande la suspension temporaire des associations des tradis praticiens et des diététiciens. Les activités qui nécessitent le courant électrique sont au point mort bientôt 2 semaines au centre Mugara et Burukiro dans la commune et province de Mongé et au centre du pays dans la ville de Gitega. Précisément, la pénurie d'eau potable fait parler d'elle et les consommateurs reprochent à la régie des eaux de ne rien faire. Tout de suite, le développement de ces titres. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. 25 ONG étrangères se sont déjà fait réenregistrer à partir du 1er octobre jusqu'à aujourd'hui après la mesure de suspension des activités de ces ONG par le Conseil national de sécurité. Cette situation vient d'être brossée par le ministre de l'Intérieur dans un point de presse de ce lundi, Pascal Baranda-Guillet, qui salue le pas franchi dans ce réenregistrement, précise qu'il y a une autre liste de 11 ONG demandant le réenregistrement, mais leur dossier reste incomplet et appelle ces ONG de passer à la direction générale pour les compléter. Les points avec Placide Niomungete. Selon le ministre de l'Intérieur, après la réunion qu'il a eue avec ces ONG en date du 2 octobre 2018, jusqu'à ce jour, celles qui ont déjà fourni les documents exigés sont au nombre de 25 et ont reçu automatiquement l'autorisation de reprendre leurs activités du Pascal Baranda-Guillet, à commencer par World Vision. Au moment où je vous parle, 25 ONG sont déjà réenregistrées. Et en tête, l'ONG, la première à se faire enregistrer, c'est World Vision International, Burundi, World Relief, One Anchor Fund, 4 Action Aid, Family Health International, vient ensuite Catholic Relief Services, John Snow INC, The Crisis of a Child, Groupe de Volontariat Civil, Chemonix, Food for the Hungry, Beloved Orphan Outreach, Missions Blood, Counterpart International, ADRAM, Caire Internationale au Burundi, IRC, ZOA, World Child Holland Burundi, Population Services International, PSI, en sigle, AVSI en sigle, People for Development, Broad Life, DERN au Burundi, Impunity Watch, Ingenda, je m'excuse si la lecture n'a pas été fidèle. En plus, il y a 11 autres ONG qui ont déposé leur dossier pour demander le réenregistrement. Malheureusement, dit Pascal Baranda-Guillet, leur dossier reste incomplet. À la tête vient le Caritas Burundi. Il y en a qui sont encore en attente de compléter le dossier, qui sont au nombre de 11. Ici, nous avons Caritas International, Africa Startup, Pro Action Development, Alarm, Think East Africa, François-Xavier de Banyoud, SOS Village, Conseil danois pour les réfugiés, Pathfinder, Iron Grand Lac, Agro Action Allemande. Pour les 11, les dossiers sont déposés, mais ils sont incomplets. C'est aujourd'hui le moment pour inviter ces ONG de se présenter à la direction générale en charge des ONG pour compléter leurs dossiers. Pour le ministre Baranda-Guillet, compte tenu de la superficie du Burundi, la situation de ce réenregistrement de ces ONG est suffisante, mais les portes restent ouvertes pour le reste. Si les 25 ONG sont opérationnelles, c'est déjà suffisant. Bien entendu, pour d'autres qui sont en attente d'être réenregistrés, s'ils s'ajoutent encore, c'est d'autant mieux. Parce que, en réalité, le Burundi ne veut pas une multitude d'ONG qui sont là pour distraire la population, mais plutôt a besoin des ONG engagées au développement de la population, peu importe le nombre. Rappelons que les activités de ces ONG opérant au Burundi ont été suspendues le 26 septembre 2018 par le Conseil national de sécurité.

la médecine traditionnelle ainsi que le secteur de la supplémentation nutritive. Et certains textes sont déjà adoptés et promulgués, mais il y a d'autres textes qui sont toujours en cours. Est-ce qu'actuellement, aucune association des tradis praticiens n'a de partenariat avec le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida? Actuellement, il n'y a aucune association des tradis praticiens et diététiciens qui a une convention de partenariat avec le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. C'était Dr Jean Bosco Girukushaka, porte-parole du ministère de la Santé publique. Il a été joint au téléphone par Gertrude Maunayo. Certains des malades qui se font soigner chez les tradis praticiens disent être inquiétés par les mesures de suspension temporaire de la médecine traditionnelle par le ministère de la Santé publique. Ceux qui se sont exprimés au micro de la radio Sanganiro disent que les tradis praticiens leur donnent des médicaments efficaces et à un prix abordable, alors que la médecine moderne est très chère et quelquefois moins efficace. Il demande au ministère de la Santé publique de collaborer avec ses médecins traditionnels pour le bien-être de la population. Suivez-les. Les médicaments modernes sont très chers dans les grands hôpitaux. La qualité d'accueil du petit paysan n'est pas satisfaisante. C'est pourquoi nous préférons venir chez les médecins traditionnels parce que nous sommes bien accueillis. Les médicaments traditionnels ont été utilisés par nos ancêtres. Les jeunes générations ne peuvent pas l'ignorer. Quant à faire respecter la loi, c'est nécessaire et c'est important. Mais il faut également faciliter la tâche à ceux qui accueillent le bas peuple. Moi, je viens de la province de Gitega. Je souffre de la tuberculose et de maladies cardiovasculaires. À mon avis, il ne faut pas que ces associations soient suspendues parce qu'elles aident beaucoup de gens. Moi, je reviens ici pour la deuxième fois. Je souffrais de la maladie 10 fois. Je me suis fait dépister et je suis venue ici. Ils m'ont donné des médicaments bien traités et ça m'a beaucoup aidé. Ils m'ont donné des conseils que j'ai suivis et par après, j'ai été guérie. À mon âge avancé, la foie se fatigue, par exemple. Ils m'ont dit qu'il y a une sorte de crème sur mon foie, mais les douleurs ont diminué. Vraiment, ces médicaments traditionnels aident pas mal de personnes. Je ne comprends pas donc pourquoi les suspendre. J'aimerais plutôt qu'on les laisse continuer leur travail. Respecter la loi est une chose, mais si on regarde ce qu'ils font ici, c'est bien. Par exemple, moi j'amène ici un malade pour être soigné. Moi je suis guéri. Je souffrais de l'amibe. J'avais parcouru tous les hôpitaux, mais en vain. Aucun médecin n'est parvenu à me soigner. Un médecin m'avait conseillé d'aller au Kenya pour l'opération. Une femme m'a dit de venir chercher des sœurs qui guérissent à base de médicaments traditionnels. J'avais acheté des médicaments de plus de 3 millions, mais après avoir pris les médicaments que ces sœurs m'ont donnés, j'ai été guéri immédiatement. Ce que nous demandons au gouvernement, c'est de soutenir ces médecins traditionnels pour la bonne santé de la population. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Les activités nécessitant du courant électrique au point mort depuis bientôt 2 semaines au centre Mugara et Burukiro en commune et province Rumonge. Les utilisateurs demandent à la régie des eaux d'intervenir au niveau de la régie des eaux centre Rumonge. L'on informe que la question est déjà connue au niveau de Bujumbura. D'où viendra cette intervention? Les détails avec Jean-Pierre Misako. Les moulins, les postes à souder, les machines de mini-huilerie et de savonnerie, les frigos dans les cafétérias, les tondeuses des salons de coiffure et bien d'autres engins nécessitant du courant électrique pour fonctionner sont au repos depuis ce 23 octobre dernier, selon des témoins sur place à Mugara et à Buruhukiro. C'est qui vivaient des activités nécessitant du courant électrique sur cette ligne Mugara-Buruhukiro disent éprouver actuellement des difficultés pour satisfaire à leurs besoins et demande à la régie des eaux de rétablir le courant électrique afin d'alléger leurs souffrances. Le responsable de la régie des eaux Centre Rumonge dit que c'est un problème consécutif à l'écroulement des poteaux électriques entre Busebwa et Mugara, une situation déjà rapportée au niveau central de la régie des eaux, d'où viendront les camions qui aideront dans l'installation de nouveaux poteaux électriques. Jean-Pierre Misago de Pirumongue, Radio Isanganiro. Cap sur le centre du pays où les habitants des quartiers de la ville de Gitega qui souffrent plus de la pénurie d'eau potable de la Régie des Eaux reprochent à cette entreprise de ne rien faire pour rendre l'eau permanente dans leur quartier. Le chef d'antenne de la Régie des Eaux région Centre-Est indique que cette pénurie d'eau occasionne la diminution de ses recettes. Il précise néanmoins qu'il y a un projet d'augmentation des quantités d'eau consommables dans cette ville d'État avec Gérard Nivikid. Les quartiers de la ville de Gitega qui sont plus concernés par des pénuries respectives d'eau sont Yova, Boga 1 et 2, Magarama, Nyamugari et Musinzira et des collines environnant la ville. Les habitants de ce quartier reprochent à la Régie des Eaux de ne rien faire pour rendre l'eau permanente dans tous les quartiers sans distinction aucune. À propos, Jean-Claude Manirakiza, chef d'antenne de la Régie des Eaux région Centre-Est, fait savoir qu'il est devenu difficile d'alimenter en eau tous les quartiers de la ville et de Gitega pour plusieurs raisons. Primo, le changement climatique. Secondo, l'extension de la ville. Tertio, la réduction des eaux dans des sources des forages. Quarto, la longue durée des saisons sèches. Il souligne qu'à ces causes s'ajoute la topographie de la ville de Gitega, c'est de monts et vallées, ce qui fait que les zones les plus surélevées soient peu ou presque pas alimentées en eau, tandis que les zones de basse altitude sont régulièrement alimentées en eau. Il ajoute que des pénuries permanentes ou répétitives d'eau occasionne la diminution des recettes de la Régie des Eaux. Il précise cependant que des projets d'augmentation de l'eau dans la ville de Gitega sont en cours d'étude, surtout que Gitega sera bientôt capitale politique. Toutefois, la population apprécie le fait que les cas de coupures électriques sont sensiblement réduits ces jours-ci. Depuis Gitega, Jean Nibigira pour Radio Isanganiro. Merci à Gérard Nibigira. Certains habitants du quartier Boussoro de la zone Kanyosha, mairie de Bujumbura, disent avoir des inquiétudes qu'ils peuvent être inondés suite à la viabilisation des nouveaux quartiers dans cette localité. Ils expliquent qu'on n'a pas encore tracé des caniveaux dans ce quartier en cours de viabilisation alors qu'on est dans la période pluvieuse. Reportage signé Vestine Utoi. Nyinga Busoro, le nouveau quartier en cours de viabilisation, se trouve sur la colline Nyinga. Dans cette localité, s'observe un seul caniveau plein de sable en provenance des eaux de ruissellement. Et ce caniveau divise la partie Busoro et celle du nouveau quartier en cours de viabilisation de Nyinga. Il y a également des machines en train de tracer les routes. Ce qui est remarquable, c'est qu'on n'a pas encore tracé aucun caniveau. Certains habitants de la localité environnante du nouveau quartier en cours de viabilisation affirment qu'il y a tant d'inondations pendant la période pluvieuse et que cette fois-ci, avec les eaux qui proviendraient de son nouveau quartier, ça deviendrait grave. Le traçage de ces routes doit être accompagné de celui des caniveaux pour l'évacuation des eaux. Sinon, l'eau débordera. Aujourd'hui, c'est encore moins parce qu'il n'y a pas encore des maisons, mais quand on y construira des maisons, ça sera le pire. Pour nous, qui habitons ici, nous aurons beaucoup de problèmes si jamais on ne fait pas la canalisation de ces eaux. L'autre ajoute que beaucoup de conséquences pourraient surgir. Étant donné que cette localité est traversée des eaux de ruissellement à grande vitesse, il demande aux autorités habilitées de tracer beaucoup de caniveaux afin de prévenir les catastrophes qui pourraient s'abattre sur eux. Les conséquences qui pourraient surgir une fois que l'on ne trace pas un autre caniveau qui s'ajoute à celui-ci, c'est que les maisons seraient détruites parce que ici, l'eau de pluie coule en abondance. Nous voudrions qu'on aménage d'autres caniveaux avec la viabilisation de ce nouveau quartier. Vous voyez que ce caniveau a une petite profondeur, raison pour laquelle nous avons besoin d'un autre qui pourra évacuer les eaux vers le lac. Ces habitants indiquent que c'est l'entreprise SIP qui a gagné le marché de viabilisation de son nouveau quartier. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée et bonne nuit chez vous. Au revoir.